ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, on va continuer inshallah le troisième et dernier cours concernant les fondements de la science religieuse. Comment le musulman doit acquérir cette science religieuse? On avait cité les bases ou bien les fondements que tout musulman ou tout étudiant en science devait connaître afin d'acquérir les connaissances de la religion. On avait montré le mérite de la science et que la science avait des portes. Et comme Allah Azza wa Jalla le dit, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, rentrer dans les maisons par leurs portes. Et la science, elle a des portes. Et quiconque veut avancer dans cette religion, il est obligé de passer par ces portes. Et quiconque ne prend pas ces portes-là, il va s'égarer et il ne va rien obtenir. طلب العلم عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى, فيخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم. أما إن كان يطلب العلم لأجل أن يمدح به فإنه جاء في الحديث أنه يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته, فيقول الله كذبت, وإنما تعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل يعني في الدنيا, وقد قيل في الدنيا, ثم يؤمر به إلى النار, يسحب إلى النار والعياذ بالله. كذلك لا يطلب العلم من أجل طمع الدنيا, وإنما يطلب العلم طمعا في ثواب الله, طمعا في الأجر والثواب. يطلب العلم من أجل أن ينتفع وينفع. أما إذا طلبه لأجل الوظيفة أو لأجل المال, فالله جل وعلا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها, يعني يريدها بالعمل الصالح أو طلب العلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. العلم أشرف من ذلك, العلم أشرف من ذلك, أشرف من الدنيا وما فيها. فيطلبه لوجه الله عز وجل, يطلبه للعمل به, ويطلبه للخروج من الجهل. Rechercher cette science religieuse, ça fait partie des œuvres pieuses également. Le fait de rechercher la science religieuse, ça fait partie des œuvres pieuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que les intentions, les actes ne valent que par les intentions, et que chacun sera rétribué selon son intention. Donc il faut absolument que l'étudiant en science il possède une intention pieuse qui est seule pour Allah Azza wa Jal lorsqu'il recherche cette science. Mais s'il apprend puis il recherche la science religieuse pour que les gens y l'élogent, pour attendre des éloges des gens, alors que c'est une chose qui est connue, comme le Sha'ir dit, حب الثناء طبيعة الإنسان. Le fait d'aimer les éloges, ça fait partie de la nature de l'homme. Le fait d'aimer les éloges fait partie de la nature humaine. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'il enlève de lui. Il faut qu'il apprend. Mais s'il apprend et recherche cette science religieuse pour que les gens l'élogent, il est venu dans le hadith que les trois personnes qui seront jugées et jetées dans le feu, en premier parmi eux, le savant, Allah Azza wa Jal lui dira, et en un client, qu'as-tu fait avec le bienfait? Le bienfait, parce que c'est un bienfait, la science religieuse, c'est un très grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et c'est avec cette science religieuse que l'homme, il marche ici dans cette vie, en étant éclairé par cette science religieuse. Il dira à Allah Azza wa Jal, qu'as-tu fait avec le bienfait que je t'ai donné? Elle dira au Seigneur, j'ai appris la science pour toi et je l'ai enseignée pour toi. J'ai appris la science pour toi et je l'ai enseignée pour toi. Allah lui répondra, tu as menti. Tu as menti, mais tu as seulement appris pour que les gens disent que tu es, ou que l'on dise de toi que tu es un savant. Et ils l'ont dit. C'est-à-dire, ils l'ont dit dans cette vie-là. Ce que tu recherchais, tu l'as eu. Ce que tu recherchais, tu l'as eu dans cette vie. Tu recherchais les éloges des gens, tu as été récompensé par ce qu'ils ont dit. Et tu n'auras rien dans l'au-delà. Tous les efforts que tu as fait pour apprendre la recherche de la science et pour renseigner, tu auras rien de cela. Car ton attention n'était pas sincère. Seul pour Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal lui dira, tu as menti, mais tu as seulement appris pour que l'on dise de toi que tu es un savant. Et ils l'ont dit dans cette dunya, dans cette vie. Et ensuite, on ordonnera de le jeter en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Également, l'étudiant en science, il ne doit pas apprendre pour rechercher les biens de cette vie mondaine que sa recherche de la science, elle est seulement pour avoir un travail correspondant à ce qu'il a appris. C'est une chose qui n'est pas très connue ici en France, mais dans beaucoup de pays musulmans, certains apprennent la science religieuse pour pouvoir ensuite avoir un travail avec lequel ces gens-là puissent ensuite... Il profite de certaines choses, comme le fait d'être imam dans certains pays du Golfe. Lorsque tu es imam, c'est connu que tu as une maison et tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas d'électricité, de l'eau à payer, comme la plupart des gens. Alors il apprend pour ça, il apprend pour être tranquille, pour avoir un poste. On ne dit pas que c'est interdit, au contraire. Là, mais on avait dit ça déjà. Que le meilleur travail que tu peux faire dans cette vie, c'est imam. Afdal al-wadhifa, wadhifatu l'imam. Mais il ne faut pas que ton attention elle soit seulement pour travailler avec ce que tu as appris. Ou bien pour l'argent, pour rechercher les biens de cette vie d'ici-bas et délaisser la récompense de l'au-delà. Mais il doit plutôt apprendre pour rechercher la récompense d'Allah Azza wa Jal, mais aussi pour qu'il profite et qu'il fasse profiter de ce qu'il a appris. Mais celui qui veut acquérir la science pour les biens de cette vie mondaine seulement, son intention c'est d'acquérir des choses dans cette vie mondaine pour avoir un travail ou de l'argent, comme certains travaillent dans des marques ou bien travaillent dans des moisses jama'iyya que pour l'argent. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Hud, en traduction relative à prochain verset bien sûr, et ce sur tous les versets qu'on cite en général en français, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit digne. Ceux-là n'auront rien dans l'au-delà si ce n'est le feu. Ceux-là n'auront rien dans l'au-delà si ce n'est le feu. Et ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec. Ça va être un échec pour eux. Et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Toutes les œuvres que tu as faites vont devenir vaines parce que ton intention n'est pas sincère pour Allah Azza wa Jalla. Et comme vous le savez, les actions d'adoration, elles sont acceptées d'Allah Azza wa Jalla que dans deux conditions: l'ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la science religieuse, elle est bien meilleure que cela, bien meilleure que cette vie d'ici-bas et ce qu'elle renferme. C'est pour ça qu'elle doit être apprise pour Allah Azza wa Jal, pour le visage d'Allah Azza wa Jal, en espérant sa récompense, et surtout pour pouvoir l'appliquer et enlever l'ignorance que l'étudiant a en lui-même. Surtout pour que tu enlèves l'ignorance que tu as en ta personne, surtout dans ce pays, toutes les choubourettes qu'on nous a mis depuis qu'on est enfant, pour enlever toutes ces choses-là. كذلك من اصول طلب العلم ان يبدا الطالب بعد كتاب الله عز وجل يبدا بالعلم العقيده علم التوحيد يبدا بعلم التوحيد فيعرف التوحيد ويعرف الشرك يعرف التوحيد لاجل يعمل به ويعرف الشرك من اجل يجتنبه فيجعل في مقدمه اهتمامه بطلب العلم علم العقيدة الصحيحة يجعل في مقدمة اهتمامه طلب العقيدة الصحيحة من أجل أن يستقيم عليها ويؤسس أعماله كلها عليها ومن أجل أن يدعو إليها على بصيرة ويبصر الناس فيهتم بالعقيدة. لا نقول يقتصر على دراسة العقيدة، لكن يجعلها في أول اهتماماته، ولا يجعلها أمرا ثانويا أو يؤخر طلب العقيدة يؤخره، بل يقدمه ويهتم به، لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه سائر أعمال العبد، فيهتم بعقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة ومعرفة ما يضدها مما ينافيها أو ينقصها من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر ومن النفاق. يعرف هذا جيدا حتى يؤسس علمه على أساس صحيح، بل يؤسس عمله أيضا على أساس صحيح. فهذه جملة من آداب طالب العلم وكيفية الطلب. Et parmi les fondements de la science religieuse, c'est que l'étudiant, il doit commencer après le livre d'Allah Azza wa Jal. Il doit commencer par les livres d'unicité, les livres qui ont trait au tawhid, à l'aqida, à la croyance authentique. Il doit commencer par ces livres-là. On avait dit les résumés des livres. Il ne doit pas se limiter à une science, mais il doit prendre pour chaque science un résumé profitable. Et là, il commence par les résumés qui ont attrait au tawhid et à l'aqida. Et il doit commencer par la science du tawhid et de la croyance, afin qu'il sache qu'est-ce que c'est le tawhid, afin qu'il sache aussi qu'est-ce que c'est le shirk. Ça ne suffit pas d'apprendre le tawhid, de ne pas savoir c'est quoi son contraire, le shirk. Donc qu'il sache aussi qu'est-ce que l'association Allah Azza wa Jal, le shirk billah Azza wa Jal. Qu'il apprenne le tawhid pour l'appliquer et qu'il apprenne le shirk pour s'en écarter. Donc il faut qu'il place en premier lieu dans sa recherche de la science religieuse la discipline de la croyance authentique. Pourquoi ? Pour qu'il puisse ensuite avancer avec celle-ci dans la voie droite et qu'il établisse ses actes sur la croyance authentique, la croyance qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahaba et tous ceux qui les ont suivis dans un bon comportement. Donc il établit ses actes sur cette croyance dans le but d'appeler les gens avec clairvoyance et de leur faire voir la vérité. فعلى طالب العلم أن يراعي هذا ويهتم به. هذه هي أصول طلب العلم. كذلك كما أشرنا ونشير إلى أن العلم لا يؤخذ عن أي أحد، وإنما يؤخذ عن العلماء الأتقياء المعروفين به. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاختار من العلماء أتقاهم بالله، أتقاهم لله عز وجل، وأعلمهم بالله عز وجل، حتى يدلك على الطريق الصحيح. لا تأخذ العلم عن جاهل، لا تأخذ العلم عن ضال، لا تأخذ العلم عن مبتدع، خذ العلم عن أهله المعروفين به، المعروفين بالاستقامة، المعروفين بتقوى الله عز وجل، وهم كثير ولله الحمد. إذا طلبتهم وبحثت عنهم، وحتى إن لم يكونوا في بلدك تسافر إليهم وتطلب العلم عندهم، تتصل بهم. واليوم والحمد لله وسائل الاتصال متيسرة، كذلك وسائل النقل متيسرة وبسرعة. أليس لنا عذر في التكاسل عن طلب العلم؟ فإن الله يسر لنا كل سبيل إلى طلب العلم، ولكن الشأن بالاهتمام والتوجه. L'étudiant en science, il doit porter une très grande importance, on a dit, à la croyance. Très grande importance. Et nous ne disons pas qu'il doit se limiter, on a dit, à cette science. Mais il doit la mettre parmi les plus importantes. Et il ne doit pas la laisser, cette science-là, en arrière-plan, ou bien la remettre à plus tard. Cette science. Pas qu'il a, comme dans certaines mosquées, où il commence par ilm al-tajwid. Certains même vont apporter une très grande importance à cette science. La science sur le fait d'apprendre à lire le Coran al-Karim. Le fait de sortir les lettres, le makharij al-huruf. Comment sortir les lettres? Ils vont porter une très grande importance à ça et ils vont délaisser la science qui est plus importante que celle-ci, qui est la science du tawhid, le tawhid wa al-aqid. Et là, il doit porter une grande valeur à cette science et commencer par celle-ci. Car la croyance, elle est la base sur laquelle les actions du serviteur, on a dit, sont fondées. Il doit la mettre, cette science-là, la croyance du tawhid, parmi les priorités dans sa recherche de la science religieuse. Et le tawhid, c'est pour le musulman la science la plus noble qui puisse être étudiée. Le tawhid, il est d'une importance telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa les 23 années de son message à l'enseigner, à l'expliquer, à la faire appliquer, cette science, science du tawhid, qui est d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration et d'apprendre ce qui annule cette unification ou la rend déficiente, comme l'hypocrisie, l'association mineure ou majeure, mineure qui, majeur qui fait sortir son auteur de l'islam, et mineur qui fait laisser ou qui laisse son auteur dans l'islam mais il rentre dans les grands péchés, et ça va l'amener à rentrer dans la grande association. Donc il faut qu'il apprenne ceci correctement afin qu'il puisse établir sa science et ses actes sur une base authentique et solide. Certaines personnes ils disent vous parlez que de tawhid. Bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, il a appris pendant 13 ans tawhid. Il disait ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Il a appris au tawhid sans leur interdire Al-Zina, Sharb al-Khamr, d'arrêter la fornication ou bien d'arrêter l'alcool. Kuffar Quraysh, ils faisaient les plus grands péchés. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun bénéfice à ce qu'ils les appellent à arrêter l'alcool ou bien la fornication alors qu'ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Le plus important, c'est que d'abord qu'ils rentrent dans l'islam, ensuite qu'ils leur interdisent. Ça prouve une chose, ça prouve l'importance de cette science. Elle doit passer parmi les priorités. Et toute personne qui appelle Allah Azza wa Jal doit commencer par celle-ci. Donc tout ce qu'on vient de citer là, depuis le début, c'est un résumé sur les règles de bienséance que doit connaître et appliquer l'étudiant en science. Et la façon d'obtenir cette science religieuse avec laquelle il sera préservé bi'idhnillahi ta'ala des troubles, des épreuves. Et comment peut-il acquérir et approfondir ses connaissances de la religion? Donc là, comme on vient de le dire et comme on le dit, nous le disons, la science elle ne se prend pas de n'importe qui, mais on a dit cette science là elle doit se prendre des savants. Elle se prend des savants, des savants qui sont pieux, qui sont connus et reconnus. Et certains prédécesseurs, comme Ibn Sirin, rahimahullah, et d'autres, disaient cette science est une religion. Voyez de qui vous la puisez. Cette science est une religion. Voyez de qui vous la puisez. Donc choisis donc parmi les savants les plus pieux envers Allah Azza wa Jal et ceux qui ont le plus de connaissances dans la religion d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à qu'il te montre le chemin authentique à prendre. Ne prends pas ta science d'un ignorant ou d'un autodidacte, ou d'une personne qui n'a pas voyagé pour apprendre la science chez les savants, qui a pris chez lui la science sur les livres, sans les savants, a mémorisé quelques hadiths ou quelques connaissances sur des choses. Ne prends pas ta science d'un ignorant, ou bien d'un égaré ou d'un innovateur. Prends la science des gens de science, connus pour leur droiture et leur crainte d'Allah Azza wa Jalla. Ils sont nombreux aujourd'hui, walillah alhamd. Ils sont encore nombreux. Et toi, si tu leur demandes et que tu les recherches, même s'ils ne sont pas présents dans le pays où tu te trouves, où tu résides, voyage vers eux et va apprendre la science chez eux. Va apprendre la science chez eux. Ou bien appelle-les lorsque tu as des questions à poser. Ne pose pas un ignorant ou une personne égarée ou un innovateur. Appelle-les. Questionne-les. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel. C'est un ordre. Et appelez. Aujourd'hui, les moyens de communication, ils sont facilités. Même les transports, mais aussi les transports. Et tu voyages rapidement d'un pays à un autre. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il nous a facilité aujourd'hui. Donc on n'a pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses d'être fainéants pour rechercher la science religieuse. Tout est présent aujourd'hui, Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal, il nous a facilité toutes les voies pour rechercher cette science religieuse. Mais son étude, on a dit, elle se prend par l'orientation et l'attention. نحن كما تعلمون الآن في فتن شديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله ومستقبل الزمان تزيد هذه الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتن في الدين فتن في الدنيا وفتن من كل ناحية ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالعلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فلا عاصم من الفتن إلا بتوفيق الله جل وعلا وهدايته ثم بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلا فإذا كنت جاهلا وأحاطت بك الفتن فإنك لا تدري كيف تخرج منها لكن إذا وفقك الله وصار عندك علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تهتدي إلى الخروج منها بإذن الله تعالى. Nous sommes, comme vous le savez tous, dans des épreuves, dans des troubles aujourd'hui consistants, qui sont nombreux. Les fitanes, elles sont partout. Al-iyadu billah. Et dans le futur, ces troubles, ils vont se multiplier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Il n'y a pas une année qui passe sans que celle qui la suit, elle soit pire que celle qui l'a précédée. On est tous éprouvés. Des épreuves dans la religion, dans notre vie, dans toutes choses. Et nous ne pouvons pas sortir de ces fitnes, ces séditions, ces troubles, ces perturbations, qu'avec la science bénéfique, qui provient du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le musulman, il doit prendre cette science religieuse selon ses capacités pour qu'il soit sauvé de ses fitnes. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: suivez, allez, accrochez-vous à ma sunna, à ma tradition et à celle des califes bien guidés, Abu Bakr, Umar, Uthman wa Ali, radiyallahu anhum. les successeurs qui sont bien droits et guidés, les Mahdiyin. Ça, c'est une preuve et c'est une réfutation contre ceux qui les renient, comme les Shia. C'est une réfutation. Ce hadith, il suffit pour montrer l'égarement de ce groupe, de cette secte, les chiites, qui le renie tous ou renie certains. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a élogés, comme Allah azza wa jalla dit encore, suivez ma tradition, la tradition et la sunna de mes califes qui sont bien guidés, et accrochez-vous à cette tradition et mordez-y avec vos dents, avec vos molaires, et méfiez-vous des choses nouvelles dans la religion, des nouveautés, car toute innovation est un égarement, et dans une autre version, tout égarement mène à l'enfer. Et n'est sauvé de ses troubles que celui qu'Allah Azza wa Jal guide et facilite. Ne sera sauvé de ses troubles aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, que celui qui s'accrochera à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, avec la science bénéfique et les herbes pieuses. Si tu es ignorant et que les épreuves, elles ont pris le dessus sur toi, tu ne vas pas savoir comment sortir de ces épreuves. Tu ne sauras même pas comment faire pour sortir de ces épreuves. Tu seras perdu. Mais si Allah Azza wa Jal t'a facilité et que tu es de la science provenant du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras les moyens de sortir de ces problèmes, de ces troubles, de ces épreuves, avec la permission d'Allah. Et ça, ceci n'arrive qu'avec l'apprentissage de la science religieuse, qu'avec l'apprentissage de la science bénéfique. هذا لا يكون إلا بتعلم العلم النافع لأجل أن تخرج به من الفتن المتلاطمة التي تعرفونها وربما تزيد ويحدث فتن لا تعرفونها فلا مخرج لنا من هذه الفتن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والاعتصام بحبل الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كما قال جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعده فالمخارج من الفتن بأيدينا ولله الحمد ولكن الشأن في أن نعرفها وأن نتفقه فيها فالفتن لا ينجي منها إلا التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح والقرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة المهديين كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الذين اتبعوهم تبع المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعوهم بإحسان أي بإتقان ولا تتبع السلف الصالح بإحسان إلا إذا تعلمت منهجهم تعلمت طريقتهم ما يكفي الانتساب ما يكفي أن تقول أنا سلفي أنا متبع أو متبع للسلف وأنت لا تعرف منهج السلف ولا تعرف مذهب السلف هذا لا يغني عنك شيئا لابد أن يكون إتباعك لهم بإحسان أي بإتقان ومعرفة وعلم بمنهجهم وسيرتهم حتى تسير على نهجهم. Et avant ça, on avait dit que cette science-là, cette science bénéfique, va être la cause, après la, que la réussite elle provient d'Allah, elle va être la cause de sur le fait de te préserver de ces fitnes, afin que tu sortes et que tu écrases ces troubles. Et des troubles qu'on connaît tous aujourd'hui, tous les problèmes qui arrivent, et peut-être qui vont augmenter, et d'autres troubles que l'on ne connaît pas, qui vont arriver par la suite. Et il n'y a pas d'échappatoire de nous, pour nous, contre ces fitnes, si ce n'est avec la science bénéfique et les œuvres pieuses, et le fait de s'accrocher tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jalla. كما الله عز وجل الذي dans sourate Al-An'am. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous venez de l'entendre, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. C'est un ordre. Donc la sortie de ces troubles, de ces fitnes, de ces problèmes, c'est entre nos mains. Wallahi alhamd. Et ce qui est demandé dans l'étude de ces choses, c'est de connaître ces fitnes et d'apprendre la science pour s'en protéger, pour que le musulman il soit protégé de ces fitnes. Comment sortir de ces fitnes? Comment être préservé de tomber dans ce que les gens, ou la plupart des gens, sont tombés aujourd'hui? Et n'est sauvé des fitnes que celui qui s'accroche au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des trois générations qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois meilleures générations parmi les compagnons et les deux générations qui sont venues après. Allah Azza wa Jal, il a dit en sourate At-Tawbah, les tout premiers croyants sahab parmi les émigrés et les auxiliaires, les émigrés, les Mekkois, ceux qui sont venus de Mecca, les auxiliaires Al-Ansar, c'est-à-dire les gens d'Al-Madina, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée, et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins, un paradis sur lequel coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allez, voilà. T'as gagné l'énorme succès, c'est ça l'énorme succès. Une chose qui est très importante, c'est que l'objectif de cette vie, c'est le paradis. L'objectif, allez, de chacun, c'est le paradis. Mais est-ce qu'on fait des efforts pour être au paradis? Et là, les émigrés, on a dit, ce sont les Mekkois qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar, ils ont aussi une grande valeur. Ce sont ceux qui ont accueilli bien volontiers les réfugiés de la Mecque. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. Comme preuve de la foi d'une personne, c'est qu'il aime les gens d'Al-Madina. Et comme preuve de l'hypocrisie d'une personne, c'est qu'il les déteste. Comme la plupart des chiites, ils les détestent. Et ceux qui les ont suivis, lorsqu'Allah Azza wa Jalla verset, il dit ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire qui ont suivi les muhadirines, les émigrés, et l'ansar, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les ont suivis dans un bon comportement, dans leur voie qu'ils ont empruntée, allez, dans la perfection. Et toi, tu ne pourras suivre les pieux prédécesseurs avec perfection qu'en apprenant la science religieuse, et qu'en apprenant la voie qu'ils ont empruntée eux-mêmes. Ça ne suffit pas de se prétendre des salafs, de dire moi je suis dans un minhaj et que tu ne connaisses pas c'est quoi le minhaj de ses pieux prédécesseurs. Ça ne suffit pas de s'appartenir à la voix des gens qui sont sauvés. Minhaj salaf. Ça ne suffit pas avec se prétendre avec la langue, il faut que les actes y suivent. Donc tu ne pourras suivre les pieux prédécesseurs qu'en apprenant la science religieuse, en apprenant la voie qu'ils ont prise. على كل حال أيها الإخوة والأخوات تفقهوا في دين الله عز وجل لتعبدوا الله على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين فالفقه في دين الله نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته في أخلاقه ومعاملته. Là, le conseil que les savants y donnent à des gens comme nous, débutants, c'est d'étudier la science religieuse, étudier la religion d'Allah Azza wa Jal, afin d'adorer Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. Il n'y a pas de droiture sans connaissance. Une personne ne peut pas être droite si elle ne connaît pas sa religion. Car certes, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans son livre, Tabaraka wa Ta'ala. Et celui à qui Allah il veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il lui enseigne la compréhension de la religion. Et cette science religieuse, l'apprentissage de cette science religieuse, c'est une lumière avec laquelle le serviteur éclaire son chemin vers son Seigneur, dans sa croyance et dans son adoration, dans son comportement et ses relations avec les autres. Ayyuha al-ikhwa, intabahu li fadli al-'ilm wa at-tafarrugh lahu wa ihrisu 'ala tanawulihi ma istata'tum wallahi sa'adatu ad-dunya wal-akhirah. Portait beaucoup d'importance la science religieuse, le fait de faire des efforts et de ne pas laisser son âme prendre le dessus en lui apprenant la fainéantise, et de faire des efforts pour apprendre cette religion qui est vaste. Le musulman, de jour en jour, on a dit, il avance dans cette religion selon ses capacités et ses possibilités. C'est une chose qui est très importante, ce dernier cours par rapport à ce sujet-là, qui est les fondements de cette science religieuse. Comment l'acquérir? Par quelles sont les étapes afin d'acquérir, d'approfondir ses connaissances à la religion? Et comme on l'a dit, combien de personnes se prétendent suivre la voie des salafs, et si on leur demandait quelle est la voie qu'ils ont empruntée, ils ne sauraient répondre. Et combien de personnes se prétendent des hommes de science, mais si tu les demandes ses fondements et ses bases, ils ne sauront te répondre également. Et toutes ces personnes-là qui s'affilient, ou cette affiliation-là, elles ne leur profiteront profitera pas. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas de se prétendre des gens de science, ça ne suffit pas de se prétendre des gens de la sunna. Que toi tu ne connais pas, qu'est-ce que la sunna? Comme on l'a vu également, ça ne suffit pas que tu te prétendes musulman et que tu ne connaisses pas ta religion. Manik fi al-intisab, taqul ana muslim. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تعرف معنى هذه الكلمة وتقول أنا مسلم لا يكفي الانتساب. وهذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.